Troisième partie. Tous les prophètes ont appelé au tawhid. Puis, les années passèrent. Et Allah envoya un nouveau prophète pour les hommes. Il s'appelait Houd. Il parla à son peuple avec le même message que celui de Nuh. Te rappelles-tu de ce message ? Il les appela au message du tawhid. C'est-à-dire, adorer Allah seul et ne pas commettre le shirk. C'est-à-dire, ne pas adorer autre qu'Allah. Mais encore une fois, son peuple le rejeta, comme celui de Nuh. Et ils dirent la même chose. Apporte-nous la punition dont tu nous menaces, si tu dis la vérité. Et pourtant, Houd leur avait dit « Je ne vous demande pas d'argent pour cela. C'est Allah qui me donnera ma récompense. Demandez juste pardon à Allah, et il vous donnera la pluie, et il vous donnera la force. Mais ne lui désobéissez pas. » Puis, les années passèrent. Et Allah envoya un nouveau prophète pour les hommes. Il s'appelait Salih. Il parla à son peuple avec le même message que les prophètes Nuh et Houd. Te rappelles-tu de ce message ? Il les appela au Tawhid, ce qui veut dire adorer Allah seul et ne pas commettre le shirk. Ne rien adorer d'autre qu'Allah. Et après lui, le prophète Shu'aib appela son peuple au tawhid. Allah dit dans le Coran. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. Les gens d'Al-Aïka traitèrent de menteurs les messagers lorsque Shu'aib leur dit : Ne craindrez-vous pas Allah ? Puis, Allah envoya le prophète Ibrahim. Il appela son peuple à adorer Allah seul, et il détruisit les statues que les gens adoraient en dehors d'Allah. Plus tard encore, Allah envoya le prophète Moussa. As-tu deviné ce que Moussa demanda à son peuple ? Il leur demanda d'adorer Allah seul. Le peuple de Moussa s'appelaient les Bani Israël. Allah les sauva du méchant pharaon d'Égypte. Pharaon était un roi si cruel qu'il tuait les petits-enfants, et il était si orgueilleux qu'il se prenait pour un dieu. Alors, pour échapper à Pharaon, Allah fit traverser la mer au peuple de Moussa. C'était un miracle, un grand bonheur pour eux. Imagine, la mer s'est ouverte en deux pour qu'ils puissent traverser. Mais nous avons vu depuis le début de l'histoire que beaucoup d'hommes désobéissent à Allah, malgré qu'Allah leur donne tout ce qu'ils veulent comme bonne chose. Ainsi, une fois sauvés, les Bani Israël quittèrent l'Égypte. Au cours de leur voyage, ils passèrent devant un autre peuple. Et ce peuple-là commettait le shirk. Ils adoraient des statues au lieu d'adorer Allah. Malheureusement, le peuple de Moussa fut trompé, comme d'autres hommes furent trompés avant eux. Et ils demandèrent à leur prophète Moussa s'ils pouvaient leur donner des statues pour les adorer, afin de ressembler au peuple qu'ils venaient de voir. Allah dit dans le Coran. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles et dirent « Ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. » Il dit « Vous êtes certes des gens ignorants. » Moussa fut très déçu et leur dit « Vous ne connaissez pas la vérité. L'adoration de ce peuple que vous voyez est fausse. Ce n'est pas la vraie adoration. Ce n'est pas le tawhid. Le tawhid, c'est adorer Allah seul, sans adorer rien d'autre que lui. Et rappelez-vous qu'Allah vous a aimé plus que tout autre, et il vous a sauvé par le passé. » Tel était l'appel du prophète Moussa à son peuple. Le même appel que tous les autres prophètes dont nous avons raconté leur histoire. Te souviens-tu de leurs noms? Ibrahim, Shu'aib, Saleh, Houd et Nuh.